Le comité central du Parti du Travail de Corée et le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée ont publié le 20 courant le fait part du décès de Kang Suk-ju et sa biographie. Membre du comité central du Parti du Travail de Corée et député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kang Suk-ju est décédé avec regret à 16h10 du 20 mai de l'an 105 du juillet 2016 à l'âge de 76 ans par l'insuffisance respiratoire aiguë et le cancer d'œsophage.